Faut que je fasse quelque chose de ma life. Tenderia quieto, a être muy tranquilo. Mais de los palos, tienen molidos puesto para bastardo. En este pizza, yo hago demasiadas cosas que me de asco. Demasiado, ahí juega a los locos. Jefenado, me suelta, apa, la justicia que me quiere en prisión. En prisión, entre arriconado en lo alto de gran morir. Yo sobre esto al micro. On vit, on ruse, faut pas finir niqué par la rue. On met la colombe à nu, y'a trop d'abus, garde à vue, mais regarde ma rue. Du free fight dans le visu, souvent déçu. Cependant, surtout pas agressif, sous mes textes crus, pas complètement conquis. Assuré, concret, créateur à l'aide d'encre. Je peux tenter le pire, sans peur, pas de poil dans le creux de la main. Man, de mano à mano, monte dans mon bateau. Laisse-toi porter par les flots, rentre dans la cascade. Y'a des casquettes, des coups de pute, des raquettes, c'est la chute. Y'a des écoutes, des zoom zoom, sur le mouvement de foule. À chaque action de fou, si t'en as rien à foutre, c'est que c'est pas la bonne route. La route où on commence avec rien pour finir avec tout. Ici la même chance pour tous, à nous d'être la tour qui balaye le fou sur l'échiquier. L'échiquier, le frère du diable, à nous d'être y acerto do para être esto que queramos. Faut que je fasse quelque chose de ma life antes de irse, va a hacer falter que haga una verdad te a de my life. L'impression de passer pour un intrus, faut que je t'avoue, y'en a plein le cul. J'suis dans l'illicite, ici les keufs, joue les paparazzis. C'est fini les bits, d'empiler des briques dans des tristes. Aujourd'hui ce que je veux c'est faire du fric. Para realizar mi proyecto, ni hay que mover. Que puedo hacer que la cosa adelanto. Para me asegurar un futuro muy maléfico. De vivir una verdadera vida y no de jaja. Ni demonios apastres. Ils disent ici tous terroristes, tous sauf chose véridique, trop sûr qu'ils nous salissent. Surtout quand les médias insistent, nous insecticides. Chez nous que rien ne pisse, hip-hop et justice. Crame la police, voilà nos fils. Je te présente les complices. La famille d'un bis, abusé comment les frères subissent. Un test de IRC, va à affaire. Farter qui haga, una verdad te a de my life. En cas d'affrontement, je pourrais être l'investigateur, l'artificier, l'allumeur de mèche. Devant Dieu, je me prosterne, car c'est lui qui me protège. Faut que la police tape trop leur vice. Je suis sur disque, parole de terroriste, toujours dans le risque. Ce que je kiffe avec mes complices, Babylone existe. Et ce que je trouve bis, c'est quand je bise sur la justice. La juge vise, les dents flics, je brise. T'as senti la bise, ça sent la merde. Un jour, il va falloir qu'on se tire d'ici, car on a tout à perdre. C'est pas cool comme bombarder sous weed. Les cicatrices remplacent les rides. J'ai le cœur vide, y'a que ma madre qui tente de remplir. Elle m'a vu lui mentir pour brûler les pistes. Elle m'a vu vomir pour oublier les soucis. Y'a qu'elle qui me rassure, qui m'assure, normal. Je me fais du mal, mais c'est elle qui ressent et pense les blessures. Faut que je fasse quelque chose de ma life. Faut que je fasse quelque chose de ma life. Faut que je fasse quelque chose de ma life. L'impression c'est pour un autre, faut que je t'avoue bien plein de cul. On est tous sur écoute, mais je grandis, plus de choses qui me dégoûtent. Faut pas que je déroute, on prend tout, trop rare, on s'en sort tous. Au comico, nos gueules en poster sur les murs, pas de gros mythos. Ici, c'est chaud, enlève en tricot. Mon son latino, bafou de chico. Dans la rue, des regards schizo. La nuit, allumée par la lueur d'un jeune popo. Faut que je fasse quelque chose de ma life. Faut que je fasse quelque chose de ma life. Faut que je fasse quelque chose de ma life. Je cherche un thème à mon interlude. C'est la ruse parce qu'il y a trop d'abus. L'impression de passer pour un intrus. Faut que je t'avoue, y'en a plein le cul.